Grand péché. Grand péché. Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir est le pluriel de Kabira. Cela fait référence à tout péché pour lequel Allah le Très-Haut nous a menacé d'un châtiment sévère dans l'au-delà, comme entrer en enfer, être empêché d'entrer au paradis, encourir la colère d'Allah et sa malédiction, ou encore subir un châtiment ici-bas. Chaque péché qui entraîne la transgression d'une limite, « had » ou « hudud » au pluriel, et pour lequel le Coran et ou la Sunna ont prévu une peine légale, est un grand péché, comme le vol, l'adultère, la fausse accusation d'adultère, ou encore l'apostasie. Si quelqu'un commet un péché majeur et en est puni dans ce bas monde, alors il aura payé son dû. S'il n'est pas puni pour celui-ci, alors il doit se repentir, et ensuite il appartient à Allah soit de lui pardonner, soit de le punir le jour du jugement. Il y a beaucoup d'exhortations dans le Coran et la Sunna mettant en garde contre les grands péchés. De même, Allah a garanti à ceux qui évitent les péchés majeurs les jardins du paradis. Il dit si vous évitez les grands péchés que nous vous avons interdits, nous vous expierons les petits péchés, et nous vous ferons entrer par une entrée noble. Sourate les femmes, verset 31. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mentionna certains de ses péchés. Il dit « Évitez les sept péchés destructeurs. » Les gens demandèrent « Au messager d'Allah, quels sont-ils ? » Il répondit « Le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre sans droit de quelqu'un, excepté pour une juste cause, la prise d'intérêt, la spoliation des biens de l'orphelin, la fuite au moment du combat et la diffamation des croyantes pieuses et chastes. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Certains péchés majeurs sont plus graves que d'autres. Parmi eux, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a inclus le polythéisme, shirk. En effet, nous savons d'après les textes du Coran que si une personne commet ce péché impardonnable, il ne lui sera pas pardonné et il entrera éternellement en enfer. Allah le Très-Haut dit « Inna Allah la yaghfir an yushrak bihi wa yaghfir ma dun dhalik liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Sourate les femmes, verset 48 et verset 116. Une fois, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Voulez-vous que je vous informe du plus grand des péchés majeurs ?» Ils répondirent « Bien sûr que oui, ô messager d'Allah !» Alors, il a dit, donnez un associé à Allah, désobéir aux parents, etc. Il était accoudé, alors il se redressa puis il a dit, et le faux témoignage. Il ne cessa de le répéter, au point que nous souhaitâmes qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari. La seule manière d'expier les grands péchés est de se repentir sincèrement et de ne plus les commettre.